Moi je suis en train d'écrire avec Claude et j'aimerais que vous soyez celui qui guide et oriente Claudia parfait. Je suis prêt à travailler avec vous sur ce projet ambitieux. Commençons immédiatement par le chapitre 1, parcours personnel et professionnel d'Ousmane Sonko. Démarrage des recherches. Je vais tout de suite rechercher des informations actualisées et fiables sur Ousmane Sonko pour établir une base solide pour votre livre. Excellent. J'ai collecté des informations détaillées. Maintenant, je vais chercher plus d'informations sur sa carrière politique et ses réalisations récentes en tant que Premier ministre. Parfait. Maintenant, je vais créer une synthèse structurée du chapitre 1. Permettez-moi de vous présenter le contenu collecté et organisé. Synthèse des recherches, chapitre 1, parcours personnel et professionnel. Voici les informations clés collectées et organisées pour le premier chapitre de votre livre. Origine et formation académique. Naissance et enfance. Né le 15 juillet 1974 à Thiès. D'un père casamançais et d'une mère baol-baol. Passe une partie de son enfance à Sébikotane, puis retourne en Casamance où il grandit jusqu'en 1993. Parcours académique. Obtient son baccalauréat en 1993, puis s'inscrit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en sciences juridiques, option droit public. Décroche sa maîtrise en droit public en 1999. Réussit le concours d'entrée à l'École nationale d'administration, ENA, section impôts et domaines, promotion 1999 à 2001. Obtient un DEA en finances publiques et fiscalité de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, en 2003. Titulaire d'un Master 2 en gestion et finances publiques de l'Institut supérieur des finances. Doctorant en droit public économique et fiscalité à l'université Jean Moulin Lyon 3. 2. Carrière dans l'administration fiscale. Début professionnel. En 2001, sort diplômé de l'ENA et intègre l'administration publique sénégalaise au Centre des services fiscaux de Pikin. Devient inspecteur principal des impôts et des domaines, vérificateur fiscal et chef de brigade de vérification fiscale, chargé du secteur immobilier. Occupe le poste d'auditeur interne à la direction du contrôle interne de la Direction générale des impôts et domaines, chargé de la rédaction de la charte de déontologie. Engagement syndical. 3 ans après son entrée dans l'administration, crée le syndicat autonome des agents des impôts et domaines, SED. Premier secrétaire général du 7 d'avril 2005 à juin 2012, puis secrétaire général honoraire de juin 2012 à août 2016. Radiation. Commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalie fiscale et budgétaire en mettant en cause le président Macky Sall. Radié en août 2016 par le décret numéro 2016-1239 de l'Inspection générale des impôts et domaines pour manquement au devoir de réserve. Cet épisode, largement relayé par la presse sénégalaise, permet de révéler Ousmane Sonko au grand public. Entrée en politique et ascension. Création du PASTEF et carrière politique initiale. Président du parti PASTEF Les Patriotes, créé en 2014. En novembre 2017, crée son cabinet Atlas. Élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal aux élections législatives de 2017. Publication et révélation. En janvier 2018, publie le livre Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation où il accuse le président Macky Sall et son entourage de malversation dans la gestion des ressources naturelles. Le 16 septembre 2018, publie le livre programmatique Solutions dans lequel il livre un diagnostic des problèmes sociaux et économiques du Sénégal. Élection présidentielle de 2019. Candidat à l'élection présidentielle de 2019 sous la bannière de la coalition Sonko président, il arrive troisième avec 15,67% des voix. Maire de Ziguinchor. En 2022, s'allie avec plusieurs membres de l'opposition, dont Khalifa Sall, pour constituer la coalition Yewi Askanoui, YAW. Remporte la mairie de Ziguinchor avec 56,31% des voix et est officiellement installé le 10 février 2022. 4 affaires judiciaires et controverses, 2021 à 2024. L'affaire Adjissa. En février 2021, accusé de viol et menace de mort avec arme à feu par Adjissa, il dénonce cette accusation comme une tentative de liquidation politique. Le 1er juin 2023, acquitté des accusations de viol et de menace de mort, mais condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Autre condamnation. Le 4 janvier 2024, la Cour suprême confirme une condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation du ministre du Tourisme Mam Mbaye Niang. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 est compromise par ses multiples condamnations. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel entérine la non-participation d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Arrestation et libération. Le 28 mai 2023, arrêté lors de sa caravane de la liberté qui devait relier Ziguinchor à Dakar. Libéré en mars 2024 en pleine campagne électorale. V. Accession au poste de Premier ministre. Soutien à Bassirou Diomé Faye. Depuis sa cellule de prison, appel à soutenir la candidature de son collègue et ami Bassirou Diomé Faye. Diomé Faye est élu président dès le premier tour en mars 2024 avec plus de 54% des voix. Nomination et premières actions. Nommé Premier ministre le 2 avril 2024 par le président Bassirou Diomé Faye. Le 5 avril 2024, nomme les membres de son gouvernement, composé de 21 hommes et 4 femmes dont 15 sont membres du PASTEF. Démissionne de son mandat de maire de Ziguinchor après sa nomination comme Premier ministre. Victoire aux législatives. Les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 voient la large victoire du PASTEF avec 130 des 165 sièges. 6. Programme et réalisation en tant que Premier ministre. Déclaration de politique générale, 27 décembre 2024. Décline son plan de rupture pour les 5 prochaines années et annonce le projet d'abroger la loi d'amnistie couvrant les violences politiques entre 2021 et 2024. Affirme que le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial et entend mener une réforme fiscale profonde. Axe économique. Malgré une situation économique qualifiée de catastrophique avec un déficit budgétaire de 10,4% du PIB et une dette publique de 76,3% du PIB, il ambitionne de hisser le Sénégal parmi les économies les plus compétitives d'Afrique. Compte s'appuyer sur les ressources gazières dont l'exploitation débutera en 2025 et sur la densification du tissu industriel. Annonce la lutte contre les pratiques corruptrices telles que les remises gracieuses aux entreprises et l'arbitrage fiscal. Réforme structurelle. Impulse une réforme ambitieuse de la justice visant à garantir l'indépendance de la magistrature et le renforcement de l'accès à la justice pour les plus démunis. Pilote le déploiement du Plan National de Sécurité Sociale Universelle pour ouvrir progressivement une couverture maladie à tous les citoyens. Annonce la création de musées dédiés aux anciennes royautés, d'une maison des archives, d'une bibliothèque nationale et d'un mémorial à Tiaroi. Prochaine étape. Maintenant que nous avons collecté les informations pour le chapitre 1, voici ce que je vous propose. Validation de la structure, êtes-vous satisfait de cette organisation? Souhaitez-vous ajouter ou modifier des sections? Rédaction du chapitre, je vais transformer cette synthèse en un texte narratif fluide et professionnel avec une introduction captivante. Des transitions naturelles entre les sections. Un style analytique mais accessible. Des citations précises avec sources. Recherche complémentaire, Y a-t-il des aspects spécifiques que vous souhaitez approfondir? Dites-moi comment vous souhaitez procéder, et je commencerai immédiatement la rédaction du chapitre 1. Livre étincelle.